comment vous dire que il n'y a plus d'alternative. J'aimerais me barrer d'ici, fuir comme Thelma et Louise. Je vous dis que je fais ce que je peux te filer en aiguille. Mais le peurin n'est pas un jeu de chance facile comme face ou pile. Mange un plat de lentilles, comme dit mamie. Il faut que je prenne des forces, mon dit qu'à froid arrive. Il paraît que y'en a qui disent que je suis paresseux. Attends, l'album va sortir prochainement, je te jure tu vas répleu. Pif pif pif, du vrai, pas falsifié. J'ai noyé mes soucis dans la bouteille que j'ai sifflé en vain. Le bitume j'foule, filme ma vie en HD full. Je raconte mes coups de blues, tant mieux si t'as le coup de foot. J'éprouve du dégoût, j'ai peur que mes projets s'écroulent. Le manque de souffle fait que je peux plus masquer mes doutes. Nonus n'a plus le choix, avec de la caillasse mais pas qu'un chouïa. J'y arriverai par tous les moyens nécessaires, alléluia. Plus de choix, plus de choix, plus de choix. Si la société me voit à poil, je me battrai jusqu'à la moelle. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. Persiste et crois en toi pour pas que tes rêves se terminent dans un mouchoir. Plus le choix, plus le choix, plus le choix. Si la société me voit à poil, je me battrai jusqu'à la moelle. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. Faut stopper l'hémorragie ici, les jeunes gens sont pessimistes. Mais pour que la pessimiste oublie les armes, il faut que les mots agissent. On n'a plus le choix, c'est ce que j'entends voir trop souvent. Tu veux te laver tout soupçon, mais t'as les mains sales et même pas de savon. T'affrontes du vent, tu veux te mesurer au grand. Briser des chaînes, massif comme un chêne, mais au final tu n'es qu'un gland. Mais laisse tes fesses sur le banc, écoute et prends des notes. Et si tu te confesses ta blanche, c'est que dans ta vie trop de choses dénotent. Des nôtres, tu seras quand s'ouvrira la porte du stud. Mais reste tranquille, c'est pas tout de suite que tu poseras sur le scud. Avant tout, faut faire ses preuves, c'est pas facile, sois pas fragile. Car tu dois marcher dans les clous, c'est des pleux qu'on crève. Concrètement, on veut que tu poses tes gammes. Car si tu veux jouer dans le game, il faut qu'on concrètement. Donc vas-y, montre que tes envies te correspondent. Pose pas de questions, on n'a plus le choix, car seul est qu'on réponde. Plus de choix, plus de choix, plus de choix. Si la société me voit à poil, je me battrai jusqu'à la moelle. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. Persiste et crois en toi pour pas que tes rêves se terminent dans un mouchoir. Plus le choix, plus le choix, plus le choix. Si la société me voit à poil, je me battrai jusqu'à la moelle. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. On veut tous la grosse cagnotte, peu de gagnants, beaucoup perdus comme dans le Grand Canyon. J'vois que tu marches, tu fatigues, on veut le 10 de platine. Des gros hitman, c'est notre marque de fabrique. On veut tous être blindés comme les émirs du Koweït. Rappeur des temps modernes, tu bon qu'à écrire des poèmes. Le racisme est présent, à en voir Benoît XVI. La recette c'est paix, amour, en mettre plus d'une noisette. Le peuple est à la diète, à la tienne. J'baisse mon verre, à la France, à la tête. J'ai mis mon rap dans ta tête. On n'a plus le choix, pour réussir la marche est maigre. C'est marche ou crève, la France aime l'argent comme Marjolaine. J'ai pas l'étiquette, la star, j'arrive à point. J'aime bien les tigresses, je barre et loin me faire dorer l'épiderme. J'avance dans l'ombre avant d'être oublié par Parkinson. Les sons brillent depuis que j'écris des lignes à la Parkinson. Plus le choix, plus le choix, plus le choix, plus le choix, plus le choix. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix, plus le choix, plus le choix. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. Plus le choix, plus le choix, plus le choix. Si la société me voit à poil, je me battrai jusqu'à la moelle. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. Persiste et crois en toi pour pas que tes rêves se terminent dans un mouchoir. Plus le choix, plus le choix, plus le choix. Si la société me voit à poil, je me battrai jusqu'à la moelle. On a plus le choix, plus le choix, plus le choix. Persiste et crois en toi pour pas que tes rêves se terminent dans un mouchoir.